Le Tao est vide. Si l'on en fait usage, il paraît inépuisable. Oh, qu'il est profond, il semble le patriarche de tous les êtres. Il émousse sa subtilité, il se dégage de tout lien, il tempère sa splendeur, il s'assimile à la poussière. Oh, qu'il est pur, il semble subsister éternellement. J'ignore de qui il est fils. Il semble avoir précédé le maître du ciel.